Anne au cou, d'Anton Tchekhov. Traduction, Denis Roche. Il n'y eut pas le plus petit lunch après la cérémonie. Les nouveaux mariés burent une coupe de champagne, changèrent de vêtements et se rendirent à la gare. Ni bal de mariage, ni souper, ni musique. Ils partaient en pèlerinage à plus de 200 verstes. Beaucoup approuvèrent. En effet, pour Modeste Alexeïevitch, déjà élevé en fonction et pas jeune, une noce brillante ne semblait pas très à propos. Il était ennuyé d'écouter de la musique quand à 52 ans, on épouse une jeune fille qui en a 18 à peine. On disait aussi que le marié, homme à principe, entreprenait ce pèlerinage dans un monastère pour faire entendre à la jeune femme qu'il donnait dans le mariage, comme en tout, la première place à la religion et à la morale. On accompagna les mariés à la gare. Collègues et parents tenaient toute une coupe de champagne, prêts à crier « Hourra !» quand le train s'ébranlerait. Le père de la mariée, Piotr Leontievitch, en uniforme de professeur, coiffé d'un chapeau haute forme, ne faisait déjà ivre et déjà très pâle que se hausser à la portière du wagon, une coupe à la main, et disait à sa fille d'une voix suppliante « Agnuta, Agna, écoute, un mot !» Anne se penchait vers lui. Il lui murmurait quelque chose, lui envoyait dans la face son haleine avinée et lui souffla dans l'oreille sans qu'on le comprît. Et il lui faisait des signes de croix sur la figure, le cou, les mains, les larmes aux yeux et la gorge tremblante. Les frères d'Anne, les lycéens Petia et Andriusha, tiraient leur père par son frac et murmuraient d'un air confus « Papa, assez! Papa, laisse-la !» Quand le train s'ébranla, Anne vit son père courir à côté du wagon, titubant et renversant le vin de sa coupe. Il avait l'air malheureux, beau et fautif, et il criait « Hourra !» Les mariés se trouvèrent seuls. Modeste Alexeïevitch rangea les paquets sur les filets et s'assit en souriant vis-à-vis de sa femme. Il était de taille moyenne, assez gros, bouffi, avec de longs favoris et pas de moustache. Son menton rond, bien rasé, bien dessiné, ressemblait à un talon. L'absence de moustache était dans sa figure la chose la plus caractéristique. Sa lèvre nue se fondait peu à peu avec les joues qui, grasses et tremblantes, faisaient penser à de la gelée. Sa tenue était correcte, ses mouvements lents, ses manières onctueuses. « Je ne puis pas, en ce moment, omettre un fait, » dit-il en souriant. « Il y a 5 ans, quand Kossorotov reçut la croix de Sainte-Anne à porter au cou et qu'il vint faire ses remerciements, son Excellence, c'est-à-dire son chef ayant un rang de général, lui dit « Alors maintenant, vous avez 3 ânes, une à la boutonnière et 2 au cou. » Il faut dire qu'en ce temps-là, la femme de Kossorotov, personne légère et acariâtre, appelée Anne, était revenue vivre avec lui. J'espère que quand je recevrai la croix de Sainte-Anne de 2e classe, son Excellence aura par l'occasion de me dire la même chose. Ses petits yeux souriaient, et Anna sourit aussi, s'émotionnant à l'idée que cet homme à grosses lèvres pouvait, à toute minute, l'embrasser et qu'elle n'avait plus le droit de l'en empêcher. Les mouvements ouatés de son gros corps l'effrayaient et la dégoûtaient. Modeste Alexeïevitch se leva sans se presser, retira sa décoration, son frac, son gilet et passa sa robe de chambre. « Voilà qui y est, » dit-il en s'asseyant à côté d'Anne. Elle se rappela combien elle avait souffert pendant la cérémonie. Il lui avait semblé que le prêtre, que les invités et toutes les personnes qui se trouvaient à l'église la regardaient avec compassion et se demandaient pourquoi, si jeune et si gentille, elle épousait ce vieux monsieur pas intéressant. Ce matin encore, elle était enchantée que tout se fût si bien arrangé, mais pendant le mariage et maintenant en wagon, elle se sentait déçue et ridicule. Elle avait épousé un homme riche, mais elle n'avait pas d'argent. Sa robe de mariée avait été faite à crédit, et quand aujourd'hui son père et ses frères l'accompagnaient, elle avait compris à leur mine qu'il restait sans le sou. Aurait-il de quoi dîner ce soir et demain? Il lui semblait que sans elle, maintenant, ils mourraient de faim et se ressentiraient l'angoisse qu'ils avaient tous éprouvée le soir de l'enterrement de sa mère. « Oh, comme je suis malheureuse !» pensait-elle. « Pourquoi le suis-je tant ?» Avec la gaucherie d'un homme sérieux qui n'a pas l'habitude des femmes, Modeste Alexievitch lui prenait la taille et lui tapotait l'épaule. Elle, pendant ce temps-là, pensait à la question d'argent, à sa mère, à la mort de celle-ci. À la mort de sa mère, son père, professeur de dessin et de calligraphie au lycée, se mit à boire. La misère arriva. Ses frères manquèrent de chaussures. Piotr Leonotievitch était constamment appelé chez le juge de paix. L'huissier venait saisir ses meubles. Quelle honte! Anne dut soigner son père ivrogne, repriser les chaussettes de ses frères, aller au marché. Et quand on louait sa beauté, sa jeunesse, ses bonnes manières, il lui semblait que l'univers entier voyait son chapeau bon marché et les trous de ses bottines noircies à l'encre. Et les nuits, elle pleurait. La pensée obsédante la torturait qu'on chasserait bientôt son père du lycée à cause de son vice, qu'il ne pourrait pas survivre à cette déchéance et mourrait comme sa mère. Des dames de leur connaissance s'émurent et se mirent à chercher pour Anne un bon mari. Et l'on découvrit bientôt Modeste Alexievitch, ni jeune, ni beau, mais riche. « Il a 100 000 roubles en banque, disait-on à Anne, et un bien de famille qui la ferme. C'est un homme à principe, bien vu de son excellence. Il ne lui en coûtera rien de demander un mot au gouverneur pour le directeur du lycée ou même pour le curateur, de façon à ce qu'on ne touche pas à votre père. » Tandis qu'elle se rappelait ces détails, des accords de musique et un bruit de voix arrivèrent à la portière. Le train s'arrêta à une petite gare. Dans la foule sur le quai, on jouait allègrement de l'accordéon qu'un violon criard accompagnait. Et de derrière des peupliers et de hauts bouleaux, de derrière des chalets où l'on passait l'été, arrivait le son d'une musique militaire. Il y avait apparemment un bal dans un des chalets. Sur les quais, les habitants des chalets et les gens de la ville se promenaient, venus pour respirer le bon air. Il y avait parmi eux le propriétaire de la petite ville, nommé Artinov, homme grand, fort brun, semblable à un Arménien, avec des yeux à fleur de tête. Étrangement vêtu, il portait une simple chemise déboutonnée à la poitrine, de hautes bottes avec des éperons et une cape noire attachée aux épaules et qui traînait à terre comme une queue. Deux lévriers, leurs longs museaux flairant la terre, le suivaient. Les larmes brillaient encore aux yeux de la jeune épouse, mais pourtant elle avait déjà oublié sa mère, l'argent et son mariage. Elle serrait les mains de lycéens, d'officiers de sa connaissance qui parlaient vite et riaient joyeusement. « Bonjour, comment allez-vous ? » Elle sortit sur la plateforme de son wagon, au clair de lune, et se plaça de façon à ce qu'on pût voir sa belle robe et son chapeau. « Qu'attendons-nous ici ? » demanda-t-elle. « C'est une bifurcation. On attend l'express. » Remarquant qu'Artinov la regardait, elle cligna coquettement des yeux et se mit à parler très haut en français, parce que le son de sa voix était beau, parce que la musique jouait, que la lune se reflétait dans l'étang, et parce qu'Artinov, ce don Juan, se blasait, la regardait avidement. Et parce que tout était joyeux, elle ressentit tout à coup de la joie. Quand le train repartit, les officiers de sa connaissance la saluèrent, la main à leur visière. Elle fredonnait la polka que jouait l'orchestre invisible derrière les arbres. Et elle regagna son compartiment avec un sentiment de tranquillité comme si, à cette halte, on lui assurait qu'elle serait heureuse malgré tout. Les nouveaux mariés passèrent 2 jours au monastère et rentrèrent en ville. Ils y habitaient un logement de la couronne. Tandis que son mari était à son bureau, Anne jouait du piano, pleurait de tristesse, lisait des romans étendus sur sa chaise longue ou feuilletait un journal de mode. À dîner, Modeste Alexievitch mangeait beaucoup, parlait politique, promotion, permutation, gratification, déclarait qu'il faut travailler et disait que la vie de famille n'est pas un plaisir, mais un devoir, que les copecs font les roubles et qu'il plaçait plus haut que tout au monde la religion et la morale. Et tenant son couteau comme un glaive, il disait « Chacun doit connaître ses devoirs. » Anne l'écoutait, le craignait, ne pouvait pas manger et sortait de table affamée. Après le dîner, Modeste Alexievitch faisait la sieste et ronflait très fort. Anne allait voir ses parents. Son père et ses frères la regardaient comme si, avant son arrivée, ils l'eussent blâmée d'avoir épousé pour de l'argent un homme ennuyeux et qu'elle n'aimait pas. Sa robe bruissante, ses bracelets, son air de dame les gênaient et les humiliaient. Il ne savait plus de quoi lui parler, mais naguère il l'aimait et n'était pas encore habitué à dîner sans elle. Elle se mettait à table et mangeait du gruau ou des pommes de terre sautées à une graisse de mouton qui sentait la chandelle. Piotr Leontievitch, d'une main tremblante, prenait le carafon de vodka et se versait un verre qu'il buvait vite, évidemment, et avec dégoût, puis un deuxième verre, puis un troisième. Petya et Andriyusha, les garçonnets à grands yeux, pâles et maigres, enlevaient le carafon en disant « Il ne faut pas, papa, assez !» Anne aussi s'alarmait, le suppliait de ne plus boire, mais il frappait tout à coup du poing sur la table et s'écriait « Je ne permettrai à personne de me contrôler, des gamins, une gamine, je vous jetterai tous dehors !» Mais sa voix trahissait la bonté, la faiblesse, et personne ne le craignait. Après le dîner, d'ordinaire, il se faisait beau. Pâle, le menton tout entaillé par le rasoir, il allongeait son cou maigre, restait une demi-heure devant sa glace, se coiffait, retroussait ses moustaches noires et se parfumait. Il nouait sa cravate, mettait ses gants, son chapeau haute forme, et allait donner des leçons particulières. Les jours fériés, il restait à la maison, peignait à l'huile ou jouait de l'harmonie flûte. L'instrument sifflait, mugissait, mais il tâchait d'en tirer des accords et des sons harmonieux. Ou bien il se fâchait après ses enfants. « Mauvais garnement, vaut rien, vous avez abîmé l'instrument !» Tous les soirs, le mari d'Anne jouait aux cartes avec ses collègues, habitant eux aussi la maison de la couronne. Aux soirées venaient des femmes, des fonctionnaires, laides, habillées sans goût, grossières comme des cuisinières, et alors commençaient des commérages aussi laids que ces dames elles-mêmes. Quelquefois, Modeste Alexievitch allait au théâtre avec Anne. Durant les entr'actes, il ne la quittait pas d'une ligne, se promenait avec elle, bras dessus, bras dessous, dans les couloirs et au foyer. En saluant les gens, il lui disait à mi-voix « Conseiller d'État, reçu chez son Excellence. » Ou bien « A des capitaux, possède une maison. » En passant devant le buffet, Anne avait envie de manger quelque chose. Elle aimait le chocolat et les gâteaux aux pommes. Mais elle n'avait pas d'argent et se gênait pour en demander à son mari. Il prenait une poire, la tâtait du doigt et disait, hésitant, « Combien, cela ? 25 copecs. »« Oh non, tout de même !» Et il remettait la poire en place. Mais comme il était malséant de ne rien acheter, il demandait de l'eau de Sels et buvait seul tout le siphon. Les larmes lui en montaient aux yeux. Anne, à ces moments-là, le haïssait de tout son cœur. Ou bien tout rouge, il lui disait tout à coup très vite, « Salut cette vieille dame !»« Mais je ne la connais pas. » »« Peu importe, c'est la femme du directeur de tel ministère. Je te dis de la saluer, » maugréait-il. « Ta tête n'en tombera pas. » Anne saluait, et sa tête, en effet, n'en tombait pas. Mais cela la torturait. Elle faisait tout ce que voulait son mari et s'irritait contre elle-même en pensant qu'il l'avait trompée comme la dernière des sottes. Elle ne s'était mariée que pour l'argent, et cependant, elle en avait moins qu'avant son mariage. Avant, son père lui donnait au moins quelques pièces de 20 copecs. Maintenant, elle n'avait pas un liard. Prendre de l'argent en cachette ou en demander à Modeste Alexievitch, elle ne pouvait pas. Elle le craignait. Elle tremblait devant lui. Il lui semblait qu'elle portait depuis longtemps dans son cœur la crainte de cet homme. Dans son enfance, le directeur du lycée lui apparaissait la force la plus imposante, la plus formidable, telle qu'une grosse nuée qui s'avance ou une locomotive prête à l'écraser. Son Excellence était maintenant une force semblable dont on parlait et dont on avait vaguement peur. Il y avait jadis pour elle une dizaine d'autres forces moindres, les professeurs du lycée entre autres, avec leurs lèvres rasées, sévères et sans pitié. Il y avait maintenant Modeste Alexievitch, homme à principe, qui même ressemblait de figure au directeur du lycée. Toutes ces forces se fondaient, dans l'imagination d'Anne, en une seule, sous la forme d'un énorme ours blanc qui en voulait aux faibles, aux coupables, comme son père. Elle craignait de dire des choses inopportunes, et elle souriait à contre-cœur, montrant une joie feinte quand on la caressait grossièrement ou quand on la souillait en des étreintes qui lui faisaient horreur. Une seule fois, son père s'enhardit à demander à Modeste Alexievitch de lui prêter 50 roubles pour payer une dette très désagréable. Mais quel fut son supplice ? « Bien, je vous les donnerai, » fit le gendre après réflexion. Mais je vous préviens que je ne vous aiderai plus tant que vous n'aurez pas cessé de boire. Pour un homme qui est au service de l'État, une pareille faiblesse est une honte. Je dois vous rappeler un fait connu de tous. Cette passion a perdu beaucoup de gens très capables qui, s'ils s'étaient retenus, auraient pu, avec le temps, devenir de hauts personnages. Et les longues tirades continuèrent coupées de « à mesure que », en vue de ce qui vient d'être dit, vu la situation. Et le pauvre Piotr Leontievitch, souffrant de cette humiliation, éprouva un violent besoin de boire. Les jeunes frères, venant voir leur sœur avec des souliers éculés et des pantalons râpés, devaient eux aussi écouter de la morale. « Chacun, leur disait Modeste Alexievitch, doit connaître ses devoirs. » Il ne donnait d'argent à personne, mais par contre, il achetait à Anne des bagues, des bracelets et des broches, en lui disant qu'il était bon d'avoir des bijoux au mauvais jour. Il ouvrait souvent la commode de sa femme pour vérifier si tous les bijoux s'y trouvaient. Chapitre 2. Entre-temps, l'hiver était venu. Bien avant Noël, la gazette locale annonça que le 29 décembre aurait lieu, dans la salle de l'Assemblée de la noblesse, le bal annuel. Très préoccupé le soir, après avoir joué, Modeste Alexievitch causait avec les femmes de ses collègues en regardant Anne. Et il marchait longtemps, de long en large, avec un air pensif. Enfin, un soir, assez tard, il s'arrêta devant sa femme et lui dit « Il faut te faire une robe de bal, tu entends ?» Seulement, je te prie de te concerter avec Maria Krikrokrievna et Natalia Kostyamichna. » Et il lui donna 100 roubles. Anne les prit, mais ne se concerta avec personne. Elle parla seulement avec son père et s'imagina de quelle façon sa mère aurait été habillée. Sa mère s'habillait toujours à la dernière mode. Elle s'occupait beaucoup de sa fille, l'habillait coquettement, comme une poupée. Elle lui avait appris à parler français et à danser admirablement la mazurka. Avant son mariage, elle avait été 5 ans gouvernante. Anne pouvait, comme sa mère, faire avec une vieille robe une robe neuve, nettoyer des gants avec de la benzine, louer des bijoux, et comme sa mère, elle savait clore à demi les yeux, grasseyer, prendre de belles poses, se montrer ravie quand il le fallait, et avoir des regards tristes et mystérieux. De son père, elle tenait ses yeux et ses cheveux noirs, sa nervosité et une certaine manière de toujours bien se présenter. Quand une demi-heure avant le bal, Modeste Alexievitch entra dans la chambre à coucher en bras de chemise pour attacher sa décoration à son cou, devant la glace, il fut frappé de la beauté d'Anne, de la fraîcheur et de l'éclat de sa robe vaporeuse. Et il lui dit avec satisfaction en lissant ses favoris « Oh, quelle femme j'ai, Agnota, quelle femme !» Et il continua d'un ton solennel « J'ai fait ton bonheur et tu peux faire le mien aujourd'hui. Présente-toi, je te prie, à la femme de son excellence. N'y manque pas. Par elle, je peux obtenir la place de référendaire en chef. » Ils partirent pour le bal. Voici le club de la noblesse et son escalier avec le Suisse. Voici le vestiaire avec ses porte-manteaux et les pelisses, les valets affairés, les dames décolletées qui se garantissent avec leurs éventails des courants d'air. On sent une odeur de gaz et de soldats. Quand, en montant le grand escalier au bras de son mari, Anne entendit la musique et s'aperçut de pied en cap dans une glace, éclairée de 1000 feux, la joie se réveilla en son cœur, et ce fut le même pressentiment de bonheur qu'elle avait éprouvé un soir au clair de lune, à l'arrêt dans une petite gare. Elle marchait fièrement, sûre d'elle, ne se sentant plus une petite fille, mais une vraie dame, et elle imitait inconsciemment la démarche et les manières de sa mère. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit riche, indépendante. La présence de son mari ne la gênait même pas. Elle devina d'instinct que la présence de son mari, vieux, ne la diminuait pas, mais lui donnait au contraire le piquant secret qui plaît aux hommes. Dans la grande salle, l'orchestre jouait et les danses avaient déjà commencé. Sortant de son appartement de la couronne, ébloui par la lumière, les couleurs, le bruit et la musique, Anne jeta un regard dans la salle et pensa « Ah, comme c'est beau !» Et tout à coup, elle retrouva dans la foule toutes ses connaissances, tous ceux qu'elle avait rencontrés précédemment à des soirées ou à la promenade, tous ses officiers, ses professeurs, ses avocats, ses fonctionnaires, et son Excellence, et Artinov, et les dames de la haute société, parées, très décolletées, belles ou laides, déjà à leur place dans leur baraque ou les pavillons de la vente de charité organisés au profit des pauvres. Un énorme officier avec des épaulettes, elle avait fait sa connaissance rue Vieille de Kiev quand elle allait au lycée et ne se rappelait plus son nom, sortit comme de dessous terre et lui demanda une valse. Elle quitta son mari et il lui sembla qu'elle voguait dans un bateau à voile pendant la tempête et que Piotr Alexeïevitch était resté loin sur la côte. Elle dansait passionnément valse, polka, quadrille, passant de bras en bras, grisée par la musique, le bruit, mêlant le russe au grasseillement du français, riant, ne pensant ni à son mari, ni à personne. Son succès auprès des hommes fut grand, et il ne pouvait qu'en être ainsi. Elle suffoquait d'émotion. Serrait convulsivement son éventail dans ses mains et avait grand soif. Son père, dans son habit froissé qui sentait la benzine, s'approcha d'elle, lui apportant une glace dans une soucoupe. « Tu es ravissante ce soir, lui dit-il en le regardant avec enthousiasme. Jamais je n'ai tant regretté que tu te sois mariée si vite. Pourquoi donc cela? Je sais que tu l'as fait à cause de nous, mais... » Il tira d'une main tremblante une liasse de billets et dit « J'ai reçu cela aujourd'hui pour une leçon et je peux rembourser ma dette à ton mari. » Elle lui laissa la soucoupe et s'envola, enlevée par quelqu'un. Par-dessus l'épaule de son danseur, elle vit son père enlacer une dame et glisser légèrement avec elle dans la salle. « Comme il est gentil quand il n'a pas bu » pensa-t-elle. Elle dansa la mazurka avec le même officier énorme. Il se mouvait avec poids et importance, roulant les épaules et la poitrine et battant à peine le parquet. Il n'avait pas envie de danser. Elle, au contraire, volait autour de lui, l'agaçant de sa beauté et de sa gorge nue. Ses yeux pétillaient de malice, ses mouvements étaient passionnés. Mais lui restait indifférent et lui tendait les mains avec bienveillance, comme un roi. « Bravo, bravo !» disait-on dans le public. Mais peu à peu, l'énorme officier s'entraîna. Il s'anima, s'émut, se laissa gagner au charme et prit la fièvre, tandis qu'elle roulait les épaules et le regardait avec ruse comme si elle était déjà sa reine et lui son esclave. Il lui semblait que toute la salle les regardait, que tous les assistants étaient ravis, les enviaient. À peine le gros officier l'eut-elle remercié, la foule s'écarta soudain, les hommes prenant l'attitude militaire. Son Excellence en habit, avec ses deux plaques de décoration, venait à elle. Oui, son Excellence venait à elle, car il la regardait avec insistance, souriait doucereusement et remuait les lèvres comme il faisait toujours quand il voyait de jolies femmes. « Enchanté, enchanté, dit-il. Et je ferai mettre votre mari aux arrêts pour avoir jusqu'ici dérobé à nos yeux un si rare trésor. Je viens de la part de ma femme, poursuivit-il en lui offrant le bras. Il faut que vous nous aidiez. Oui, ma foi, il faut vous décerner un prix de beauté, comme en Amérique. Oui, ma foi, les Américains. Ma femme vous attend avec impatience. » Il l'emmena à un comptoir près d'une vieille dame dont le bas de la figure était si disproportionné qu'on pouvait croire qu'elle avait dans la bouche un gros caillou. « Aidez-nous, lui dit la vieille dame d'une voix chantante. « Toutes les jolies femmes travaillent à cette vente. Vous seules ne faites rien. Pourquoi ne voulez-vous pas nous aider ?» Elle partit et Anne prit sa place devant le samovar et les tasses d'argent. La vente s'anima tout de suite. Anne prenait un rouble au moins par tasse de thé. Elle força l'énorme officier à en boire trois tasses. Artinov, l'homme riche aux yeux à fleur de tête et qui avait de l'asthme, s'approcha de son comptoir. Il n'avait plus l'étrange costume qu'Anne lui avait vu. Il était comme tout le monde en habit. Ne quittant pas la vendeuse des yeux, il but une coupe de champagne et la paya 100 roubles. Ensuite, il but une tasse de thé et donna encore 100 roubles, toujours sans dire un mot, car il souffrait de son asthme. Anne conviait les acheteurs et prenait leur argent, profondément convaincue que ses sourires et ses regards ne causaient aux gens qu'un grand plaisir. Elle comprenait qu'elle avait été créée uniquement pour cette vie d'éclat, de bruit, de rire rempli de musique, de danse, d'adorateurs. Et son ancienne peur d'une force qui menaçait de l'écraser lui parut ridicule. Elle ne craignait plus personne. Elle regrettait seulement que sa mère ne fût plus là pour se réjouir avec elle de son succès. Piotr Leontievitch, déjà pâle, mais encore ferme sur ses jambes, s'approcha et demanda un verre de cognac. Anne rougit, craignant qu'il ne dît quelque chose de déplacé. Elle avait honte d'avoir un père si pauvre, si ordinaire. Mais il but, tira de sa liasse un billet de 10 roubles et s'en alla d'un air important sans dire un mot. Peu après, elle le vit dans une chaîne des dames. Il n'était plus très d'aplomb et criait quelque chose au grand émoi de sa danseuse. Et Anne se rappela qu'un soir, il y avait 3 ans, il était dans un état à peu près pareil. Un agent avait dû, à la fin, l'emmener se coucher. Le lendemain, le directeur menaça son père de le renvoyer, comme ce souvenir était peu agréable. Quand les samovars se furent éteints et que, fatiguées, les dames de bienfaisance eurent versé leur recette à la dame au caillou dans la bouche, Artinoff offrit le bras à Anne et la conduisit dans la salle où était servi le souper pour les personnages qui avaient pris part à la vente de charité. Il n'y en avait qu'une vingtaine, mais le souper fut très animé. Son Excellence porta ce toast. Dans cette belle salle à manger, il convient de boire au développement des réfectoires populaires dont la vente d'aujourd'hui a fait l'objet. Le général de brigade proposa de boire. À la force devant laquelle l'artillerie même se trouve impuissante. Et tout le monde se leva pour trinquer avec les dames. Ce fut très très gai. Quand on reconduisit Anne jusque chez elle, il faisait déjà jour et les cuisinières se rendaient au marché. Contente, ivre, pleine d'impressions nouvelles, elle se déshabilla, se jeta sur son lit et s'endormit aussitôt. À 2 heures de l'après-midi, elle fut réveillée par sa femme de chambre qui lui annonçait la visite de M. Artinoff. Anne s'habilla en hâte et se rendit au salon. Peu après Artinoff, son Excellence descendit de voiture, venant remercier la belle vendeuse. Il lui baisa la main en la regardant doucement et en remuant les lèvres comme s'il mâchait. Il demanda la permission de revenir la voir et partit. Elle resta au milieu de son salon, étonnée et enchantée de ce changement extraordinaire dans sa vie, doutant qu'il eût pu survenir si vite. Juste à ce moment, son mari entra. Modeste Alexeïevitch avait maintenant devant elle le regard empressé, douceâtre, le respect plat qu'elle lui connaissait en présence des puissants et des gens titrés. Elle lui dit avec joie, avec mépris, avec dégoût, sûre que tout lui serait désormais pardonné, elle lui dit, en détachant nettement chaque mot, « Allez-vous-en, imbécile !» Dès lors, Anne n'eut plus une journée libre, fut de toutes les parties de campagne, de toutes les promenades, de tous les spectacles. Elle rentrait tous les jours chez elle au matin et se couchait au milieu de son salon, racontant ensuite à tous qu'elle ne dormait que couverte de fleurs. Il lui fallait beaucoup d'argent, mais elle ne craignait plus Modeste Alexeïevitch. Elle dépensait son argent comme si c'était le sien. Elle n'en demandait pas, n'en exigeait pas. Elle envoyait seulement les factures ou des billets de ce genre. « Remettez au porteur 100 roubles » ou « Payez immédiatement 100 roubles ». Modeste Alexeïevitch reçut à Pâques l'ordre de Sainte-Anne de deuxième classe. Lorsqu'il vint remercier son Excellence, le gouverneur posa son journal et s'enfonça plus profondément dans son fauteuil. « Ainsi, dit-il, regardant ses mains blanches aux ongles roses, « vous avez maintenant 3 ânes, une à la boutonnière et 2 au cou. » Modeste Alexeïevitch mit 2 doigts devant sa bouche de peur de rire trop haut et dit « Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la venue au monde d'un petit Vladimir. Oserais-je prier votre Excellence d'en être le parrain ?» Il voulait parler de l'ordre de Vladimir de 4e classe et comptant déjà raconter son jeu de mots habile et hardi, il voulut ajouter quelque chose d'aussi bien tourné, mais son Excellence se replongea dans la lecture de son journal et le congédia d'un signe de tête. Anne continua à se promener en troïka, allait à la chasse avec Artinoff, jouait dans des petites pièces en un acte, souper. Elle allait voir les siens de plus en plus rarement. Il dînait seul maintenant. Piotr Ilyotievitch buvait de plus en plus. L'argent manquait et l'harmonie flûte avait été vendue pour payer une dette. Les garçons ne laissaient plus leur père sortir seul dans les rues. Ils le surveillaient pour qu'il ne tombât pas. Quant au moment de la promenade dans la rue vieille de Kiev, il rencontrait Anne en voiture à 2 chevaux avec un bricolier sur le côté et Artinoff sur le siège, remplaçant le cocher, et que Piotr Leonidievitch enlevait son chapeau haut de forme et se disposait à crier quelque chose. Petia et Andriyushka le prenaient sous le bras et le suppliaient. « Il ne faut pas, papa. Assez, papa !»